Chapitre 14. Première affaire de Gaspard. Le lendemain du jour où Gaspard avait reçu de Lucas la lettre du notaire de Bordeaux, il était à son poste près du pont, attendant M. Ferréor. « Je ne puis rien faire sans lui, se disait-il, et puis ça le flattera que je lui demande conseil. Je suis fatigué, je n'ai guère dormi cette nuit. C'est qu'il s'agit d'une grosse affaire pour moi, le commencement de mon avenir, de ma fortune. » Il n'attendit pas longtemps, M. Ferréor était l'exactitude même. Dès que la voiture parut, Gaspard se dirigea vers le bosquet de Houx. Quand ils furent installés, Gaspard se garda bien de parler de son affaire avant que tout l'interrogatoire de M. Ferréor fût terminé. « M. Ferréor, et toi, Gaspard, as-tu quelque chose de particulier à me dire ?»« Gaspard, je n'aurais rien, monsieur, si je ne vous savais si bienveillant, si bon pour moi et de si bons conseils. Il s'agit d'une somme de 200 000 francs à recouvrer, et voici comment, monsieur. » M. Ferréor dressa les oreilles. « 200 000 francs, c'est une somme, cela. Parle vite, je t'écoute. » Gaspard lui lut la lettre du notaire. Quand il l'eut fini, « Voici la difficulté, monsieur. Il faudrait que mon père y allât, et il ne veut pas y aller, monsieur. Ça le dérange trop. Et puis, il n'entend rien aux affaires, on le mettrait dedans. » M. Ferréor, « Et quelle est ton idée ? Tu dois y avoir réfléchi depuis hier. » M. Ferréor le regardait de son coup d'œil perçant. Gaspard se sentit troublé. Il pouvait se perdre comme il pouvait monter dans l'estime de son maître. « M. Ferréor, tu as peur, Gaspard ? J'aime assez cela. C'est un signe que tu entends les affaires. » M. Ferréor appuya sur ce mot. « Gaspard, monsieur devine juste. J'ai peur. J'ai peur de votre opinion, monsieur, plus que de celle du monde entier. » « Monsieur Ferréor, voyons, mon ami, rassure-toi. Parle sans crainte et bien franchement. Entends-tu ? Bien franchement. » « Gaspard, je dirai tout, monsieur. » « Monsieur Ferréor, assieds-toi. Je prévois que nous en aurons pour quelque temps. Mets-toi là en face de moi que je te vois bien. » Gaspard s'assit en face de Monsieur Ferréor. « Gaspard, monsieur, je veux faire une affaire de cet héritage de mon père, mais honnêtement, sans le tromper. » Monsieur Ferréor sourit. « Gaspard, une affaire pour moi. Si mon père fait les choses par lui-même, il mangera la moitié de son héritage en notaire, avocat, homme de loi et paperasse. Je veux lui proposer de me charger de tout, de faire tous les frais qui se monteront à 50 000 francs, à condition de m'abandonner le reste estimé à 200 000 francs. Il garderait 150 000 francs que je lui verserai entre les mains sans aucun frais. Je resterai maître de l'héritage. Si je gagne dessus, comme je l'espère, je vous demanderai de vouloir bien placer mon argent dans vos usines. Il me rapporterait ainsi 30 000 ou 40 000 francs par an. Ce serait le commencement de ma fortune. » Gaspard s'arrêta, regardant avec inquiétude M. Ferréor, qui ne l'avait pas quitté des yeux et qui continuait son sourire. Après quelques instants de silence, M. Ferréor prit les deux mains de Gaspard et les serra dans les siennes. « Tout juste ce que j'aurais fait moi-même. C'est tout ce qu'il y a de mieux. Personne n'y perdra et tout le monde y gagnera. » Gaspard, dans sa joie, baisa la main de M. Ferréor. Celui-ci sourit, mais cette fois avec bienveillance. « Monsieur Ferréor, encore une question. Dans quel délai t'engagerais-tu à payer 150 000 francs à ton père ?»« Gaspard, dans un délai de 15 jours, monsieur. » »« Monsieur Ferréor, où et comment trouveras-tu 150 000 francs ?»« Gaspard, dans votre caisse, monsieur. J'espère que vous voudrez bien me les prêter, ayant pour gage l'héritage entier que mon père m'abandonnera en touchant son argent. » »« Monsieur Ferréor, et si je ne te les prête pas ?» Gaspard, « je les emprunterai chez le notaire de Bordeaux avec l'héritage pour gage de paiement. » M. Ferréor, « bien, Gaspard, tu as tout prévu, tout arrangé. C'est une affaire bien, très bien raisonnée. Tu auras les 150 000 francs quand tu voudras, et je t'autorise à mettre dans mes usines ce qui te restera de l'héritage. Tu gagneras 30 000 ou 40 000 francs par an, comme tu l'as dit. » Gaspard, « merci, monsieur, 100 fois et toujours merci. C'est vous qui m'avez recueilli, qui m'avait fait instruire, qui m'avait mis à même de me faire une position inespérée. Et maintenant, vous commencez ma fortune avec cette générosité, cette bonté qui ne se sont jamais démenties. » M. Ferréor, je suis bien aise de te rendre service, Gaspard. Toi, du moins, tu ne diras pas que je suis avare, dur. » Gaspard, avec animation, avare, dur, le plus sagement généreux des hommes, le plus juste et le meilleur des maîtres. qu'on vienne donc le dire en ma présence, et moi, qui ne me suis jamais battu, je tomberai dessus avec toute la force que Dieu m'a donnée. » « Merci, mon ami, » répondit M. Ferréor d'une voix presque douce que Gaspard ne lui avait jamais entendue. Et M. Ferréor sortit après lui avoir encore serré la main. Gaspard attendit quelques minutes pour laisser à son maître le temps de s'éloigner, puis il entra dans le bois, en sortit par le côté opposé et revint à l'atelier pour recevoir les ouvriers et leur distribuer leur ouvrage. M. Ferréor ne tarda pas à y entrer aussi. Il examina le travail, approuva ce qui avait été fait et dit tout haut à Gaspard « Tu vas aller chez ton père, Gaspard. Tu lui diras ce que je t'ai recommandé. Sois revenu dans une heure. Tu me rendras compte de ce qui aura été convenu avec lui. » Gaspard « Où trouverai-je, monsieur ?» M. Ferréor « Ici, à côté, dans mon cabinet de travail. » M. Ferréor alla visiter les autres ateliers. Gaspard se rendit chez son père d'après l'ordre donné. Un ouvrier. « Qu'est-ce qu'il y a donc entre le père Thomas et monsieur ? Quelles affaires peuvent-ils avoir à traiter ensemble ?» Deuxième ouvrier. « Est-ce qu'on sait ? Monsieur a des affaires de toute espèce. » Troisième ouvrier. « Mais un fermier ne peut avoir rien à faire avec l'usine. » Premier ouvrier. « Qui sait ? Ce n'est pas à nous que monsieur fera ses confidences. » Deuxième ouvrier. « Gaspard a de la chance. Monsieur l'a pris en amitié. C'est lui qui commande à présent. » Une tête apparut au judas qui donnait sur l'atelier. Tous les yeux se portèrent sur le judas. Chacun se tut et reprit son travail. On avait reconnu un contremaître. Gaspard, la joie dans le cœur, courut chez son père. Il était seul avec la mère et Lucas. Gaspard. « Mon père, je viens vous apporter moi-même la réponse au sujet de la lettre du notaire. Mais je suis pressé, comme vous le savez. Je m'expliquerai en peu de mots. Voici ce que je vous propose. Il faut aller à Bordeaux. Il faut y rester jusqu'à ce que l'héritage de la cousine d'Annet soit entre vos mains. Vous dépenserez beaucoup d'argent et vous perdrez du temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, mais il vous restera 150 000 francs environ. Ça vaut la peine de se déplacer. » Le père Thomas était atterré. « Thomas, allez à Bordeaux, y rester des semaines, des mois, mais je mourrai d'ennui et de tristesse. Trouve-moi un autre moyen, je ne veux pas de celui-là. » Gaspard, « Il y aurait bien un moyen, mais vous refuserez peut-être. » Thomas, c'est égal, dis toujours. Gaspard, ce serait de vendre tous vos droits sur l'héritage, moyennant une somme qu'on vous remettrait en signant l'acte. Thomas, c'est mieux ça. Combien faudrait-il demander ? Gaspard, 150 000 francs, ce qui vous resterait probablement si vous alliez terminer l'affaire à Bordeaux. Car l'héritage étant presque tout en terres et maisons, il y a bien des chances à courir, bien du temps à perdre, bien des avances à faire. Thomas, qui est-ce qui pourrait me donner de suite une aussi forte somme ? Gaspard, je m'en charge. Monsieur Ferréor est bon et généreux. Il ne me refuserait pas d'en faire l'avance. Thomas, Monsieur Ferréor, bon, généreux. Tu plaisantes. Gaspard, je parle très sérieusement. Je l'ai toujours vu bon et généreux. Thomas, écoute, si tu crois pouvoir réussir, je te donne mon consentement. Arrange le tout pour le mieux. Lucas, mais mon père... « Vous pourriez perdre moins que ce que vous dit Gaspard si vous essayez d'arranger la chose vous-même. » Thomas, « Que j'aille à Bordeaux pour y mourir ? Merci bien, j'aime mieux tenir 150 000 francs que risquer de perdre le tout. » Lucas, « Mais vous pouvez donner une procuration, charger quelqu'un d'écrire ou d'aller à Bordeaux pour faire votre affaire. » Gaspard, « Tu ne sais pas ce que c'est qu'une affaire de ce genre, toi. Ça dure des années et des années. Sans compter que si on tombe sur un homme malhonnête, on perd tout. L'héritage tout entier y passe. » Lucas, « Je connais des gens qui ont eu des héritages et qui s'en sont tirés sans perte et sans se donner grand mal. » Gaspard, « Ah bien, arrange l'affaire toi-même alors. Ce n'était pas la peine de me déranger, moi qui suis toujours si pressé, qui ai tant à faire. Adieu mon père, adieu ma mère. Lucas va vous enseigner ce que vous devez faire. Le beau conseiller. Ah ah ah !» Thomas, « Gaspard ne t'en va pas sans avoir terminé. « Et toi, Lucas, tais-toi, tu n'y entends rien et tu nous fais perdre notre temps. Fais comme tu disais, Gaspard. Fais-moi avoir 150 000 francs et j'abandonne tout l'héritage. Le prendra qui voudra. » Gaspard, « C'est entendu. Je vais m'occuper de trouver quelqu'un de sûr et d'honnête. À revoir bientôt. » Gaspard partit. J'ai eu un instant d'inquiétude, se dit-il. Ce Lucas allait faire tout manquer. Et pourtant l'affaire n'est pas mauvaise pour mon père, tout en étant bonne pour moi. L'heure avançait, il hâta le pas, et il eut encore le temps de faire une revue des ateliers avant de se rendre au cabinet de M. Ferréor. il s'aperçut qu'on n'avait plus causé que travaillé. Il marqua le nom de quelques ouvriers dont l'ouvrage était en retard et, à l'heure exacte, il alla attendre M. Ferréor. Comme il arrivait, M. Ferréor entrait aussi. « M. Ferréor, voilà ce qui s'appelle être exact. Y a-t-il longtemps que tu es ici ?»« Gaspard, j'arrive, monsieur. J'ai pris le temps de faire une revue de mes ateliers. » « Monsieur Ferréor, et as-tu été content ?»« Gaspard, pas tout à fait, monsieur. On aurait pu faire mieux. Il y a eu du temps perdu, et le temps ne se retrouve pas comme de l'argent ou des effets. J'ai marqué 7 bobines qui n'ont pas marché comme il faut. » « Monsieur Ferréor, le petit Dumas, en est-il ? » ?»« Gaspard, oui, monsieur, il est en tête. » « Monsieur Ferréor, ça me contrarie. Il ne va pas bien, ce garçon. Toujours marqué, c'est dommage. Un garçon vif, intelligent. J'espérais faire quelque chose de lui. » Monsieur Ferréor resta pensif quelques instants. « Monsieur Ferréor, Gaspard, quand tu sauras retourner à l'atelier, envoie-moi le petit Dumas. » « Gaspard, oui, monsieur. » Gaspard attendit que Monsieur Ferréor l'interrogeât. « Monsieur Ferréor, eh bien, que dit ton père ?»« Gaspard, il a fini par consentir, monsieur. » « Monsieur Ferréor, ah, il y a donc eu de la résistance ?»« Gaspard, un peu, monsieur. C'est Lucas qui craignait que mon père n'y perdît. » « Monsieur Ferréor, raconte-moi comment les choses se sont passées, et n'oublie rien. Tes paroles, tout comme celles des autres. » « Gaspard, j'obéirai, monsieur. » Et Gaspard commença le récit de sa conversation avec son père. Quand il arriva à sa défense de la bonté et de la générosité de M. Ferréor, celui-ci fit un mouvement de satisfaction. Il examina plus attentivement encore la physionomie de Gaspard. Lorsqu'il eut fini de parler, M. Ferréor, « Gaspard, penses-tu ce que tu as dit ?»« Gaspard, en toute vérité, monsieur. » M. Ferréor, « C'est bien. Lucas n'est pas bête. Tu as bien arrangé ton affaire. » Il faut la terminer au plus vite pour ne pas leur donner le temps de consulter des amis qui les tromperaient. Tu viendras ce soir à la ville chez moi et avec moi. Tu m'amèneras mon notaire, il rédigera l'acte devant moi, il le copiera. Demain, tu le feras signer à ton père et ce sera le commencement de ta fortune. » Gaspard, monsieur aura-t-il la bonté de faire mettre dans l'acte qu'après la mort de mon père, le bénéfice que j'aurai retiré de ces 200 000 francs me sera compté comme héritage ? Et que mon frère, Lucas, reprendra la même somme dans la fortune de mon père ? M. Ferréor, je le dirai au notaire. Ce que tu fais là est généreux, c'est plus qu'honnête. Je repars dans 2 heures, sois prêt. Gaspard, à qui faudra-t-il laisser la surveillance de mes ateliers, monsieur ? M. Ferréor, à Soivrier, il n'y a que lui d'à peu près sûr dans tout mon monde. M. Ferréor congédia Gaspard d'un signe de la main. Il resta quelques instants immobile et pensif. « Est-ce qu'il m'aimerait, par hasard ?» se demandait-il. « C'est impossible. Personne ne m'a jamais aimé, et je n'ai jamais aimé personne. C'est singulier, tout de même. Il y a 6 ans que je l'ai, et je ne me sens pas le même pour lui que pour les autres. Si j'avais un fils comme lui, un fils, enfin, je verrai plus tard à me l'attacher de manière que sa fortune dépende de moi seul, et que mes intérêts soient les siens. » Il réfléchit longtemps, se leva. Est sorti. Chapitre 15. Complément de l'affaire de Gaspard. Fureur du père Thomas. Quand Gaspard eut quitté ses parents, Lucas dit à son père qu'il n'aurait pas dû tant se presser de donner son consentement. Lucas, Gaspard va trop vite, mon père. Vous auriez dû attendre avant de vous décider. Thomas, attendre quoi ? Que je me fasse du mauvais sang à me rendre malade, puisque je n'en dormais plus. Lucas, j'aurais voulu porter au notaire de la ville la lettre de celui de Bordeaux, et vous auriez su au juste si vous pouviez avoir l'héritage sans y aller vous-même. Thomas, sèchement, la chose est conclue avec Gaspard. Il n'y a pas à y revenir, et je toucherai mes 150 000 francs sans m'occuper du reste. Lucas ne dit plus rien. Comme disait son père, la chose était terminée. En effet, 2 jours après, pendant qu'on dînait, ils virent avec surprise entrer M. Ferréor, accompagné du notaire et de Gaspard. « Monsieur Ferréor, ne vous dérangez pas, Mère Thomas. Restez tous à table. Père Thomas, nous allons passer dans la chambre à côté pour l'affaire que vous savez. » Le Père Thomas, interdit, se leva, ouvrit la porte de la chambre et y introduisit Monsieur Ferréor et sa suite. Le notaire lut l'acte, auquel le Père Thomas ne comprit pas un mot, et lui passa la plume pour signer. « Mais, monsieur, dit le Père Thomas, quoi, qu'est-ce que c'est ? » reprit M. Ferréor de ce ton sec et froid qui faisait peur à tout le monde. Croyez-vous que moi et Gaspard, nous voulions vous tromper? On vous a lu l'acte. Voulez-vous, oui ou non, recevoir immédiatement 150 000 francs et renoncer à l'héritage d'Anet? Oui, monsieur, certainement, monsieur, répondit le père Thomas, terrifié. Je voulais seulement savoir. Signé, dit monsieur Ferréor, en lui présentant la plume. Le père Thomas, tremblant, signa. Gaspard signa à son tour, puis monsieur Ferréor. Le notaire tira de sa poche un paquet cacheté qu'il présenta à monsieur Ferréor. Monsieur Ferréor reçut le paquet, déchira l'enveloppe et compta 150 billets de 1 000 francs qu'il remit au père Thomas. « Faites signer le reçu, » dit monsieur Ferréor au notaire. Le notaire passa un papier au père Thomas qui le signa sans savoir ce qu'il faisait. Monsieur Ferréor se leva, dit à Gaspard de le suivre, au notaire de rester, et sortit après avoir dit adieu de la main. « Monsieur Ferréor, as-tu dit au notaire de faire les démarches nécessaires pour te faire livrer l'héritage ?» Gaspard, « Oui, monsieur, tout est convenu. » « Monsieur Ferréor, te voilà propriétaire. Reste à savoir de combien. Je veux être au courant de cette affaire. Il faut que cet argent soit le commencement de ta fortune. J'ai commencé avec moitié moins et sans être aidé de personne. Je suis arrivé en peu d'années à des millions. Il faut que tu fasses de même. Je suis là pour t'épauler et je veux que ta fortune se fasse bien et vite. » Gaspard savait que M. Ferréor n'aimait pas les remerciements prolongés ni les élans de reconnaissance. Il se borna donc à saisir la main de M. Ferréor et à la baiser en disant « Mon généreux bienfaiteur !» M. Ferréor fut plus flatté de ces trois paroles que de longues phrases de reconnaissance qui l'eussent ennuyé et auxquelles il n'aurait pas cru. Avec ce que lui avait dit Gaspard, il se sentait très satisfait. Il avait été réellement généreux dans cette affaire, et il se reconnaissait le bienfaiteur de Gaspard. Le notaire, qui était resté chez Thomas, devait lui expliquer l'acte qu'il ne comprenait pas. Il en avait le double pour Thomas. Lucas fut celui des trois qui comprit le mieux. Voyant que les explications du notaire restaient inutiles, il prit la parole. « Lucas, voilà ce que c'est, mon père. C'est Gaspard qui fait l'affaire avec vous. Vous lui avez rendu ou cédé tout l'héritage de la cousine d'Anet, moyennant 150 000 francs que Gaspard vous a payé et dont vous avez signé le reçu. De plus, Gaspard s'engage à vous informer du chiffre net de l'héritage de la cousine pour que moi, Lucas, je n'ai pas moins que lui après votre mort. Voilà tout. » Le notaire. « Très bien, Lucas. Tu as parfaitement expliqué l'affaire en peu de mots. Vous n'avez donc à vous tourmenter de rien, père Thomas. Rien à faire qu'à placer votre argent. Si vous en êtes embarrassé, je m'en charge. Je vous ferai un placement sûr et avantageux. » Thomas. « Faites pour le mieux, monsieur. J'ai toute confiance en vous. Me voici débarrassé de cet héritage. Je n'ai plus à m'en occuper que pour faire dire des messes pour la cousine décédée. » Le notaire remit au père Thomas copie de l'acte et sortit. « Lucas, mon père, laissez-moi lire l'acte. Il y a à la fin quelque chose que je n'ai pas bien compris. » Lucas lisait bien. Il lut donc facilement, quoique l'écriture ne fût pas très lisible. Arrivé à la dernière phrase, il lut haut « Les frais d'enregistrement et de notaire seront à la charge du vendeur. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Thomas, tiens, je n'avais pas remarqué cet article. Lucas, je l'avais bien entendu, mais je ne m'en rendais pas bien compte. Vous auriez donc quelque chose à payer sur vos 150 000 francs ? Thomas, rien du tout. Gaspard me l'a bien dit et répété. Lucas, quand vous irez à la ville, parlez-en donc au notaire. Thomas, je veux bien, mais il ne peut pas dire autrement que Gaspard. Lucas, voyez toujours, ce sera plus sûr. Thomas, un peu inquiet, alla voir le notaire dès le lendemain. Thomas. « Monsieur, expliquez-moi donc la dernière phrase de notre contrat d'hier. » Le notaire. « Volontiers, père Thomas. Elle est très claire. Vous aurez à payer les frais d'enregistrement et de notaire 18 000 francs. » Thomas. « Je ne les paierai pas. Gaspard m'avait dit que je n'aurais rien à payer. » Le notaire. « Pour la vente, non. Mais pour l'héritage, c'est vous qui devez payer les frais. Il y a droit d'héritage et droit de vente. » Thomas. Bah, je n'entends pas tout ça, moi. Je ne paierai pas un liard. Le notaire. Il faudra bien que vous payiez du moment que vous avez signé. Thomas. Mais c'est une volerie, une coquinerie. Le notaire. Il fallait vous expliquer plus tôt. Thomas. C'était tout expliqué, puisque Gaspard m'avait dit. Le notaire. Les paroles ne comptent pas en justice. Ce sont les écrits qui font foi. Thomas eut beau crier, se mettre en colère. Le notaire ne céda rien. il consentit seulement à en reparler à Gaspard. Thomas rentra fort en colère. « Thomas, tu avais raison, mon Lucas. Ils m'ont friponné. Gaspard me vole 18 000 francs, et M. Ferréor le soutient, à ce qu'il paraît. Ah, mais cela ne finira pas comme il l'entend. Je le déshériterai. Je te laisserai tout ce que j'ai. C'est toi seul qui auras la ferme, l'argent, les 150 000 francs, tout enfin. Et ce gueux, ce voleur de Gaspard, s'arrangera avec son Ferréor, que je voudrais voir ruiné, cassant des pierres sur la grande route. Les filous, les voleurs, les gredins !» La mère Thomas. « Voyons, Thomas, calme-toi. À quoi ça sert de crier ?» Thomas. « Ça sert à décharger son cœur et à se contenter. Qu'il vienne, ce drôle de Gaspard, il verra comme je le recevrai. Il aura une raclée soignée, tout monsieur qu'il est. Et si son Ferréor vient avec lui, je le mettrai à la porte à coups de pied. Le coquin !» Le notaire avait été voir M. Ferréor pour lui raconter la colère de Thomas. M. Ferréor sonna. « Faites venir Gaspard, » dit-il à l'homme qui avait répondu à la sonnette. Le notaire. « Que décidez-vous, monsieur? Faut-il laisser les choses comme elles sont ?» M. Ferréor. « C'est Gaspard qui décidera. Je n'ai rien à faire dans tout cela. » Le notaire. « Vous pourriez donner un bon conseil, monsieur. » M. Ferréor, sèchement. « Je ne donne jamais de conseil, monsieur. Je blâme ou j'approuve. J'ordonne ou je défends. Je ne conseille jamais. » Gaspard entra. M. Ferréor. « Parlez, monsieur, racontez à ce jeune homme ce que vous venez de me dire. » Le notaire recommença le récit de la scène avec Thomas. Gaspard fronça le sourcil, regarda M. Ferréor, qui ne le regardait pas, réfléchit un instant. « Gaspard, veuillez, monsieur, effacer cette clause. Ou bien, si effacer est impossible, portez à mon père un acte qui dise clairement que je me charge de ce paiement. » M. Ferréor, « Pourquoi renonces-tu à une somme aussi considérable ?» Gaspard, « Parce que votre nom figure dans l'acte, monsieur, pour le versement des 150 000 francs, parce que vous avez bien voulu être présent à la lecture de l'acte, parce que mon père est très violent, que dans son emportement, il pourrait mal parler de vous, monsieur, et je veux que votre nom soit prononcé toujours et partout avec respect et reconnaissance. » M. Ferréor leva les yeux sur Gaspard. Son regard était presque affectueux. « M. Ferréor, effacez, monsieur, dit-il au notaire. Faites comme le veut Gaspard. Ayez l'obligeance d'aller voir le père. Dites-lui que cette clause nous a échappé à moi et à Gaspard, que c'est une erreur de formalité, et que Gaspard se charge de tout. Gaspard, ajouta-t-il en se tournant vers lui et en lui tendant la main, tu as bien fait, et je t'approuve. » Il se leva et sortit. M. Ferréor alla s'asseoir dans son bosquet de houx. Il repassa dans sa mémoire les services que lui avait rendus Gaspard, l'attachement constant qu'il lui avait témoigné, l'entente parfaite de leurs idées. Il sentait naître dans son cœur, toujours sec et muet, un commencement d'affection et de confiance qui le surprit et le réjouit. Au lieu de se sentir seul dans le monde, sans intérêt autre que celui de s'enrichir et de se faire un nom connu, il entrevoyait un avenir d'affection. Seul, sans enfant, avec des parents éloignés qu'il n'aimait pas, il se demanda pour qui seraient ses richesses et sa gloire. Une vague idée de s'attacher Gaspard pour la vie par l'adoption se présenta à lui, mais il la repoussa. « Il faut attendre, » pensa-t-il. « Je verrai plus tard. » Le notaire fit l'acte demandé par Gaspard, le lui fit signer et se dirigea vers la demeure du père Thomas. Quand il parut, la figure de Thomas se contracta. « Thomas. « Que me voulez-vous encore, monsieur le notaire? Me voler ce qui me reste? J'ai pour me défendre contre les voleurs des poings qui ont plus de force que les vôtres, et des gourdins qui vous couperont la parole avant que vous ayez commencé. » Le notaire. « Mais, père Thomas. » « Thomas, taisez-vous. Je ne veux pas que vous prononciez mon nom. Il est trop honnête pour passer par votre bouche. » Le notaire. « Mais écoutez-moi, vous verrez. Thomas, je n'ai plus rien à voir. Je ne veux rien voir. » Le notaire. « Mais Gaspard vous envoie. » « Thomas, Gaspard est un gueux, un voleur, comme son maître. Je ne veux pas entendre parler de lui. » Le notaire. « Mais c'est pour vous garantir. Thomas, je ne veux pas de sa garantie. Aidé de son gredin de Ferréor, il peut me voler les 130 000 francs qu'il m'a laissés. Mais dites-leur que Gaspard n'aura rien de mon héritage. Je donnerai tout à Lucas, tout, ferme, argent, meubles, tout. » Le notaire. « Puisque Gaspard veut... » « Thomas, je ne m'occupe pas de ce qu'il veut, ni de ce que veut son maître. » Ni de ce que vous voulez, vous qui êtes leur conseil et leur ami. » Le notaire. « Ah ça, père Thomas, vous m'ennuyez à la fin. » Thomas. « Ah, je t'ennuie, voleur, brigand. Attends, je vais te donner bien plus d'ennui avec mon gourdin !» Le père Thomas se précipita dans la chambre à côté. Quand il revint armé d'un formidable bâton, le notaire n'y était plus. Il avait prudemment fui la colère insensée de son terrible client. Il retourna chez M. Ferréor et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Le notaire. « Il m'a été impossible de m'expliquer, monsieur. Il m'interrompait dès les premiers mots pour m'agoniser de sottises en compagnie de Gaspard et de vous-même, monsieur. Je ne sais comment faire. C'est un enragé que cet homme. Je me suis sauvé pendant qu'il était allé chercher un gourdin pour m'assommer. » M. Ferréor fit plus que sourire. Il rit franchement. « Voilà une affaire qui n'est pas agréable pour vous, mon cher. Un notaire assommé dans l'exercice de ses fonctions. C'est à mourir de rire. » Le notaire, qui avait eu une peur effroyable, fut très scandalisé que M. Ferréor, au lieu de le plaindre et de le rassurer, tournât la chose en plaisanterie. Le notaire. « À mourir de rire pour vous, monsieur, mais pas pour moi ni pour Gaspard. » M. Ferréor. « Gaspard, je parie qu'il s'en tirera à merveille. » M. Ferréor sonna. « Envoyez-moi Gaspard. » « Asseyez-vous, mon cher. Vous êtes tout effrayé encore. Un notaire battu. Ah ah ah! Mais ça ne s'est jamais vu !» Gaspard entra. « Monsieur m'a demandé ?» M. Ferréor, souriant. « Oui, oui, voici monsieur qui revient de chez ton père. Racontez vos aventures, monsieur, racontez. » Le notaire hésita entre le mécontentement que lui causait la gaieté de M. Ferréor et la crainte de perdre un pareil client. La prudence l'emporta sur l'humeur et il recommença le récit court mais vif de la réception du père Thomas. Gaspard parut fort contrarié. « Gaspard. « Je vous demande pardon pour mon père, monsieur. Quand il est en colère, il ne sait plus ce qu'il dit ni ce qu'il fait, surtout quand il a bu un coup de trop. « Monsieur, ajouta-t-il, en s'adressant à M. Ferréor, puis-je m'absenter pendant l'heure du dîner ?»« M. Ferréor, t'absenter, mon ami ? Mais comment dîneras-tu ? » ?»« Gaspard. « Oh, quant à cela, monsieur, je mangerai un morceau en allant. L'atelier n'y perdra rien, monsieur. Vos affaires ne doivent pas souffrir à cause des miennes. » M. Ferréor. « Bien, bien, mon ami. Va vite, pars. » Gaspard. Pas encore, monsieur. Il s'en faut d'un bon quart d'heure que la cloche du dîner sonne, et monsieur sait que si je m'absente, il y aura du temps de perdu et du désordre dans le départ. Tu as raison, sage Gaspard, dit en souriant M. Ferréor que l'exactitude de Gaspard prenait par son faible. Fais comme tu voudras. Gaspard attendit donc que tous les ouvriers fussent partis et que la porte de l'atelier fût fermée. Il prit un morceau de pain et se dépêcha d'arriver chez son père. Son entrée surprit et effraya sa mère et Lucas. Il ne donna pas à son père le temps de parler et de l'interrompre. Gaspard. Vous aviez raison d'être en colère, mon père. Ces 18 000 francs sont une erreur, une sottise du notaire. Comment ça ? Demanda Thomas, qui se méfiait encore. Gaspard. Parce qu'il y a en effet double droit à payer, les vôtres pour hériter et les miens pour acheter. Il n'en avait pas été question lorsqu'il nous a lu l'acte à M. Ferréor et à moi. Je m'engageais à payer le tout sans faire la différence que font les notaires. Quand j'ai su votre réclamation, je l'ai trouvée très juste, et je vous ai envoyé de suite par le notaire un papier signé de moi, qui reconnaissait l'erreur. Au lieu de l'écouter, vous lui avez fait une peur épouvantable. Vous avez voulu l'assommer. Il est revenu de chez vous blanc comme un linge. Thomas. Ah ah ah, c'est bien fait. Ça lui apprendra à faire des erreurs. Il m'a mis dans une colère. Pour un rien, je l'aurais assommé. « Comment as-tu osé venir ? Tu sais que lorsque je suis en colère, je n'y vais pas de main morte. » Gaspard. « Oui, oui, mon père, je m'en souviens. Mon école m'a valu bien des coups, et plus d'une fois vous m'avez battu à me rendre malade pendant plusieurs jours. Je puis dire qu'il m'a fallu du courage pour arriver à la position que j'ai. » Thomas. « C'est bon, c'est bon. Inutile de revenir sur le passé. Si tu as eu des coups pour t'empêcher d'aimer l'école, Lucas en a eu quelques-uns aussi pour l'y faire aller. Le voilà qui lit bien maintenant. » Il y a plus d'un an que je ne l'ai battu. Gaspard. Comment ? Vous l'avez battu il y a un an encore ? Thomas. Mon Dieu, oui. Que veux-tu ? J'étais en colère. J'avais mal vendu mes petits cochons, et voilà Lucas qui, en les chargeant dans la voiture, en laisse tomber un et lui casse la patte. Ah ! Il a eu ce jour-là une fameuse raclée. J'étais hors de moi. Un petit cochon de 25 francs, perdu, et j'avais déjà mal vendu. Gaspard, avec indignation. Pauvre Lucas, battu à 20 ans ? Personne ne répondit. Adieu, mon père, dit Gaspard après un moment de silence. Voici le papier qui vous laisse vos 150 000 francs bien nets. Le père Thomas reçut le papier. Il ne songea pas à lui proposer de dîner. Gaspard s'en alla après avoir dit adieu à ses parents et à Lucas. Il fut de retour quelques minutes avant la rentrée des ateliers. M. Ferréor le vit revenir car il partait comme Gaspard ouvrait la porte.